Leçon 9B. Martina à François Villon. Lundi, premier jour de classe pour Martina au collège François Villon. Il est 8h05. Les copains de la 4e F sont dans la cour. Je vous présente Martina, ma correspondante de Berlin. La France te dit bonjour. Et l'Allemagne te répond, salut. Je m'appelle François. Tu ne me fais pas la bise ? Hé, toi ! Ne drague pas ma corresse. On ne va pas faire le contrôle de Géo, je pense. Pourquoi ? Pourquoi ? Charvet adore l'Allemagne. Alors, il va te dire, est-ce que tu ne veux pas nous parler de ta ville ? Berlin m'intéresse beaucoup et intéresse aussi tes camarades français. C'est l'heure. Monsieur Charvet et ses élèves entrent dans la classe. Les élèves mettent leurs livres de géographie sur les tables, puis regardent leur professeur. Monsieur Charvet met ses lunettes et attend le silence. Julie présente alors Martina au professeur d'histoire géo. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le contrôle ? Parler de la capitale allemande ? Je remets le contrôle à jeudi. Aujourd'hui, on va parler de Berlin. Les élèves font ouf. Et Monsieur Charvet dit... Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Martina, Monsieur Charvet et les élèves parlent de Berlin. François écrit. Après la récréation, en classe de français, le professeur dit... Ouvrez vos livres et lisez le poème de la page 20. Et que fait François ? Il écrit toujours. Luc demande à Julie. Mais qu'est-ce qu'il a, notre clown ? C'est midi. Après le cours de français, François donne une lettre à Martina. Elle lit le texte de François. Un texte en allemand. La fin de la lettre. Ich gebe dir Rendezvous 6 Stunden vor die Tour Montparnasse.